Voici votre bulletin régional. Le 1er juin, à 19h30, se tient l'Assemblée des filles d'Isabelle, cercle Saint-Louis, numéro 662, à la salle Pierre-Labrecque, au sous-sol de l'église Saint-Louis de France. Ça s'adresse aux membres. Information 819-832-2656.